quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine entre 17h et 18h sur la très locale Radio Val de Rhin. Ce soir, on va faire au feeling, je ne sais pas encore de quoi sera faite ma programmation. Après le Splendid Keep Your Balance de Alex Mas que nous venons de déguster, je fouille dans ma bibliothèque musicale pour que ce dernier jour de février non bissextile soit un jour heureux, même si le Alone qui arrive est plein de nostalgie. Pearl Jam et Alice in Chains, c'est un début très classique pour notre pop and rock dans lequel je vais quand même vous placer quelques groupes qui entre 2021 et 2022 nous ont offert des titres qui, je l'espère, nous marqueront pour les mois à venir. Royal Blood a sorti en 2021 son dernier album et prépare une tournée live avec notamment un passage au Zénith parisien. Ça vous dit ? Alors on écoute Oblivion par Royal Blood. Before I turn sinon Royal Blood avant c'était aussi ça. Vous avez aimé plusieurs alternatives. La première, allez vite sur la page Facebook de Pop'n Rock, les petits enfants du rock. La deuxième, foncez sur votre plateforme préférée, achetez leurs albums. La troisième, prenez patience et allez les voir en live. Bon, très rock ce début de Pop and Rock sur RVR. À nouveau plusieurs alternatives. On continue rock ou bien on va flirter dans de nouveaux univers. Là, vous ne le voyez pas, mais je cherche ce que je vais bien pouvoir vous envoyer en pleine face. Une claque ou une caresse. Tendez la joue, fermez les yeux. Et son I Feel Fine que je devrais passer plus souvent tellement ce titre est bon. Vous avez aimé ? Tant mieux, car tout de suite, Tinha revient accompagné de Rosalina. Sugar on the counter. auditeurs, vous êtes sur la trail locale Radio Val de Rhin en train d'écouter Pop and Rock. This is where we leave you. Pleasure is your right, and we are here to please you. If conscience is your friend, a cloak for thinking men, no one cares what disguise you wear. There's a modest price to pay. Your soul for one more day. Identities are changing on Snooper Street. This is paradise. This is paradise. Everyone believes you. See that crowd tonight. They all want to be you. Maybe this won't end. We can do it all again. It's a game of truth or dare. There's a modest price to pay. Dernier album Mission Creep d'un de mes groupes préférés, les Sad Lovers and Giants, nous venons d'écouter Paradise. Plus de 20 ans que je les écoute et ils semblent n'avoir jamais fait de compromission, et tout en gardant les mêmes ingrédients, ils se renouvellent toujours en restant fidèles à la musique que j'aime. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Allez basta, on s'offre un instrumental, Witches, Sad Lovers and Giants. bonbons sucrés offerts par les Sad Lovers and Giants, c'était le bel instrumental Witches, oui. Mais une fois qu'on a dit ça... De ce gars-là est capable de vous retourner le cerveau en 2 minutes à peine. Alors pour reprendre pied, je vous propose un Oldies but Goldies venant des profondeurs du 20e siècle. On est dans les années 80 et Certain General chante Lose Myself. Attention, chef-d'œuvre méconnu. Dreams, all that you'll get. I forgot to ask the meaning of a lover, the meaning of a wife. And where do you go from here? The roar of the world in your ear. Remember to pull me near, my dear. When I lose myself in you, I am consoled. Swept away by the wave of what you made. As she comes and I can't refuse. Time for living and the dream. All that you're given. But who's to say? And who's to blame? À peu près à la même époque que certaines générales, un gars à la banane gominée et au costard à paillettes chantait, ou plutôt dansait. Thank you. Bon, perso, je me fais plaisir à piocher dans mes fonds de tiroir pour la prog de ce soir. Pas sûr que vous soyez encore nombreux à écouter, mais si je fais plaisir à un seul d'entre vous, mon pari sera gagné. Alors, let's go! Si un gars congelé dans les années 80 se réveillait juste depuis 10 minutes en écoutant Pop and Rock sur RVR, il aurait l'impression de n'avoir dormi que quelques instants. Alors pour le convaincre que nous sommes bien au 21e siècle, je vais lui faire écouter un groupe estampillé années 2000, Elysianfield, rappelez-vous. As a stillborn child. RVR, tous les lundis sur le 104.6. Surprise. Win the Presque une heure ensemble, il faut déjà penser à nous quitter. J'espère que vous avez profité de ces 59 minutes et 57 secondes de musique. Promis, on se refait ça la semaine prochaine. Là, on va se quitter avec We At You Place Die, le petit groupe français qui monte en ce moment. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. No time is gone, and you don't show me.